Bonnes gens, écoutez, c'est l'heure de dormir, d'aller couvrir vos feux, d'éteindre vos lumières, de mettre des couvercles à vos vies de soupières, de mettre vos linceuls, et puis d'aller mourir. Bonnes gens, écoutez, c'est l'heure de fermer paupières, ces volets, et fenêtres, et portes, tiroirs, caisses, cassettes, et puis après, qu'importe si le mendiant du coin s'endort sur le pavé. Bonnes gens, écoutez, c'est l'heure de boucher vos yeux et vos oreilles et vos bonnes consciences, de tirer le rideau sur vos tables et vos pensées, de fermer vos cœurs et vos raisons à clé.